n'en était qu'à ses débuts, les ouvriers qui travaillaient dans les usines des vallées savoyardes étaient mi-paysans, mi-ouvriers. Parfois, ils étaient mutés loin de leur village. Pour eux, c'était un déchirement total. Pour eux, cette complainte. Gracias.